Sommes-nous tous des courtisans ? Entrons aujourd'hui dans la cour dépeinte par Jean de la Bruyère et observons-nous. Même passion, même faiblesse, même petitesse, même travers d'esprit, même brouillerie dans les familles et entre les proches, mêmes envies, mêmes antipathies. La différence, c'est que les courtisans, eux, usent de stratagèmes inédits pour masquer ou enjoliver leurs vices. Alors quels sont ces vices qui nous relient directement aux courtisans du XVIIe siècle ? Et comment le travail du moraliste peut-il nous aider à nous tirer vers le haut ? Tu es grand ? Tu es puissant ? Demande la Bruyère. Ce n'est pas assez. Madame, à votre petit lever, le droit d'entrée est accordé aux grandes dames de la cour. Mais la préséance revient aux princesses du sang et à vos dames d'honneur. Viennent ensuite les valets et les gens de votre entourage. Vite, vite, madame. Quiconque possède un droit d'entrée peut l'exercer à tout moment. Il convient donc que vous fassiez attention à saluer comme il se doit toute nouvelle arrivée. Bonjour Delphine Amstutz. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chevaux de la philosophie. Ai-je salué comme il se doit votre nouvelle arrivée ? Mais tout à fait, vous avez salué en respectant l'étiquette. Et il me semble que cet extrait résume ce qu'est la société de cour pour Jean de la Bruyère, c'est-à-dire non pas un assemblage de courtisans, mais un système extrêmement précis, réglé comme une horloge par la faveur et le rang. Et c'est cette société qui peut peut-être toujours valoir aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore des sociétés de cour de nos jours, à la radio, à l'université, oui, dans les ministères. Et c'est en ce sens que le chapitre de la cour des caractères est toujours aussi actuel. Alors, j'ai pas décliné votre titre. Vous êtes maître de conférences en littérature française du XVIIe siècle à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Vous avez co-dirigé un ouvrage avec Patrick Dandré, qui était notre invité lundi dernier, au titre magnifique, qui est une citation de La Fontaine, « Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique », étude de littérature française du XVIIe siècle, qu'on trouve aux éditions Hermann. Et donc aujourd'hui, vous nous emmenez à la cour. Alors déjà, une question, la Bruyère lui-même n'est pas à proprement parler un courtisan. Que fait-il à la cour ? Et puis surtout, peut-être commençons par là, qu'est-ce que c'est qu'un courtisan ? Alors votre propos d'introduction était tout à fait juste, puisque, si je peux le résumer d'un paradoxe, la Bruyère nous montre que l'on peut être courtisan sans être courtisan. Je joue sur les mots comme lui, c'est-à-dire que l'esprit de courtisanisme peut hanter n'importe qui, même s'il ne vit pas à la cour. Et finalement, la Bruyère a lui-même une position marginale ou frontalière, une position de spectateur, de scrutateur, si je reprends un mot qu'a employé Patrick Dandré lundi, une position aux marges de la cour, puisque lui-même n'appartient pas à l'aristocratie, donc il n'a pas une place de droit à la cour. On sait qu'il vient d'une bourgeoisie, une bourgeoisie de robe, une bourgeoisie d'office, et s'il côtoie la cour, c'est parce qu'il obtient assez rapidement, en 1684, un poste de précepteur du duc de Bourbon, le petit-fils du grand Condé, donc une des gloires militaires du siècle de Louis XIV. Et donc cette charge va l'occuper pendant 2 ans, mais ensuite il restera gentilhomme domestique de la famille de Condé. Donc finalement, on peut supposer que la cour que la Bruyère observe, c'est moins la cour de Versailles à laquelle il n'était pas établi à proprement parler, mais c'est plutôt la cour de Condé, puisque finalement la cour, hein, contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas nécessairement Versailles, mais la cour c'est avant tout une société, c'est un entourage qui peut se déplacer. Et donc la Bruyère a côtoyé la cour de Condé à Chantilly par exemple, à Paris, à Versailles, dans l'hôtel de Condé, et on peut penser qu'effectivement il a dû fréquenter de temps à autre la cour de Versailles, mais en tout cas, contrairement à Saint-Simon par exemple, il n'est pas un courtisan de Versailles. Alors courtisan, ça veut dire membre de la cour ? Courtisan pour la Bruyère et pour la Fontaine aussi, par exemple, c'est deux choses. Effectivement, le courtisan, c'est celui qui entre. Alors, il peut être établi à la cour parce qu'il possède une charge, un honneur qui lui permet d'avoir une fonction dans l'entourage domestique du souverain. Si Saint-Simon, par exemple, est à la cour, c'est parce que sa femme appartient à la maison de la reine. Ce n'est pas le cas de la Bruyère, mais on peut être un touriste, si j'ose dire, de la cour. On sait que, moyennant le port d'une épée et d'un chapeau, on pouvait entrer à Versailles, donc il y a des fréquentations occasionnelles, mais pour la Bruyère, être courtisan, c'est avant tout un esprit. C'est l'esprit courtisan et vous vous imaginez bien qu'il n'en pense rien de bon. C'est l'esprit de flatterie, de complaisance, et en ce sens, il cherche bien évidemment à s'en distinguer le plus possible. Mais ce faisant, observant, scrutant les courtisans, c'est l'humanité en général qu'il observe. Il insiste là-dessus, non ? Oui, alors je pense que là aussi, comme toujours chez La Bruyère, grand écrivain, la géographie ou la cartographie de son ouvrage nous dit beaucoup. Le livre de la cour, c'est le livre 8 des caractères, c'est donc le livre central. Tout est parfaitement concerté, puisque on voit que La Bruyère, dans les 10 premiers livres des caractères, gravit en quelque sorte l'échelle sociale, qui est aussi une échelle des singeries réciproques, des conditions sociales. On passe de la ville à la cour, au grand et ensuite au souverain. Avant, il y a les femmes, on en a parlé hier, elles sont très au bas de l'échelle. Je n'osais pas le dire, mais vous l'avez relevé. Puis ensuite, les derniers livres ont une dimension plus apologétique avec des esprits forts à la fin. Mais en tout cas, de la cour est vraiment le chapitre central du recueil, ce qui montre qu'il opère comme un miroir grossissant, comme une loupe des travers humains. C'est pour cela que la cour est un poste d'observation privilégié pour la Bruyère et qu'il ne peut s'empêcher d'en parler, même dans d'autres chapitres que celui qui s'intitule précisément « De la cour ». Vous voyez des gens qui entrent sans saluer, que légèrement, qui marchent des épaules et qui se rengorgent comme une femme. Ils vous interrogent sans vous regarder, ils parlent d'un ton élevé et qui marque qu'ils se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent présents. Ils s'arrêtent et on les entoure. Ils ont la parole, président au cercle et persistent dans cette hauteur ridicule et contrefaite jusqu'à ce qu'il survienne un grand qui, la faisant tomber tout d'un coup par sa présence, les réduisent à leur naturel, qui est moins mauvais. Ce qu'on sent dans cet extrait, écrit évidemment par La Bruyère, c'est que nous sommes toujours le grand de quelqu'un d'autre, et on est toujours le snob de quelqu'un d'autre également, finalement. Il y a une hiérarchie constante. Alors, dans ce que vous soulevez, il y a deux objets. Alors peut-être commençons par le plus évident, le plus apparent. On a beaucoup parlé de La Bruyère philosophe, de La Bruyère moraliste. Peut-être faudrait-il parler de La Bruyère sociologue avant la lettre. On voit qu'il décrit avec une acuité toute particulière. Alors là, on voit que dans son projet, le courtisan est en quelque sorte la pierre de touche et la pierre d'achoppement de son projet de moraliste, puisque on le voit avec certains portraits, le courtisan, comme il le dit, est un être amphibie. C'est un être qui, à force d'être caméléon, à force d'être singe, échappe aux strictes cases de la caractérologie de Théophraste. Et donc, La Bruyère est très soucieux de décrire presque comme un sociologue les petits détails, les choses vues, les comportements, presque comme un psychologue comportementaliste des courtisans. Tous ces traits qui font qu'on a l'impression parfois que l'identité individuelle se dissout dans la matérialité sociale des conditions. Et alors, c'est un régal, effectivement, de finalement rapprocher le texte de La Bruyère des petites manies contemporaine de notre vie en société. On repérera effectivement chez La Bruyère alors des termes qu'il ne faut pas beaucoup solliciter pour qu'ils prennent le sens qu'ils ont pris depuis Bourdieu, par exemple, la distinction. Ah oui. Que l'on trouve, l'affectation. On trouve même ce que l'on appelle aujourd'hui d'un nom anglais que vous me pardonnerez. Vous me pardonnez, ah oui, le names dropping. On vous dit qu'il faut absolument dire qu'on est allé chez Plancus, puisque c'est le nom à la mode qu'il est dans toutes les bouches. La Bruyère nous dit aussi qu'il y a un certain nombre de compliments qui sont rangés dans un magasin, des paroles toutes faites qu'il faut dire pour être bien accueilli. Il parle également de l'affectation, d'une forme de cascade de mépris, de mimétisme social. Il montre également comment, souvent, dans ces sociétés exclusives, dans ces entre-soi, on utilise moins les mots comme un véhicule de communication que comme un instrument de domination. Et donc, certains ont l'art de lancer des modes langagières qui sont suivis, d'instrumentaliser la rumeur de cour. Si bien qu'on se demande, avant d'entendre un extrait qui illustre parfaitement ce que vous venez de dire dans son sens de l'observation et de la description sociologique, on se demande si finalement la cour Et les courtisans tels que les décrit La Bruyère ne ressemblent pas plutôt à ça. 21h, Cannes, le même jour. Cannes qui a revêtu ce soir sa tenue de gala, Cannes prestige, Cannes féerie. Et voilà Madame la sous-préfète accompagnée de son mari et de Michael, son petit dernier. Ah, et là-bas, regardez derrière eux, une vedette. Ah oui? Je ne sais pas qui c'est. Oui, non, je l'ai vu dans un film, effectivement, à la télé, je crois. Non, Carole, on me fait signe. En fait, il s'agit de notre Premier ministre. Ah, c'est ça, je savais que je l'avais vu à la télé. Je me disais que son visage ne m'était pas inconnu. Alors que Carole, ça y est, l'équipe très attendue du film Red is Dead vient d'arriver. Oui, toute l'équipe, puisqu'il y a Odile de Rey, l'attachée de presse, et un proche probablement, puisqu'il est très difficile d'avoir une invitation, donc c'est sûrement un proche. Rappelons tout de même, Carole, que pour l'instant personne n'a vu le film. Vous-même, l'avez-vous vu? Non, tout à fait. En même temps, il faut être honnête, Jean, nous n'avons malheureusement pas le temps de voir les films, puisqu'il faut se préparer, se coiffer, choisir les robes. Mais vous êtes très belle, Carole. Merci, Jean. Delphine Abstutz, il faut dire tout de suite que si l'extrait donc de La Cité de la Peur, hein, le film réalisé par Alain Berberian, est parodique, ben on n'est vraiment pas très loin du tout de La Cour et des Souverains décrits par La Bruyère. Vous êtes d'accord, non? Oui, il y a un côté jet set. C'est ça. Chez La Bruyère, vous avez parfaitement raison. Et l'extrait entre parfaitement en écho avec certaines des remarques de La Bruyère. Et d'ailleurs, Roland Barthes, qui avait consacré une préface à une édition des caractères, avait bien nommé le snobisme de La Bruyère, hein, qui fait qu'on a parfois l'impression d'être chez les Vers du Rhin ou dans des petites coteries extrêmement sélectes en parcourant les caractères. Et Barthes poussait son analyse assez loin en voyant en fait comment ce snobisme informait notre manière de lire les caractères. Par exemple, il voyait dans la forme discontinue des isolats juxtaposés les uns aux autres qui finalement figuraient les coteries qui se frôlent sans véritablement se mêler. Et puis, quand on lit les caractères de La Bruyère, on sait que La Bruyère, au fur et à mesure des éditions du texte, ajoute un certain nombre de portraits et les lecteurs contemporains ont chercher des clés derrière ces portraits, et il y voit en fait dans cette manie de lecture qui aujourd'hui nous semble peu rigoureuse et dont on essaye de se déprendre, en fait quelque chose qui marquait ce souci de l'entre-soi. Tout le monde se connaît et donc nécessairement quand on lit un texte on cherche les clés, on cherche les individus remarquables qui peuvent se cacher derrière ces portraits. Ah ben on va prendre un exemple, si vous êtes d'accord, on peut tout à fait l'imaginer d'ailleurs monter les marches du Festival de Cannes. Il s'agit de Pamphile, est-ce que vous voulez en dire un mot ou d'abord on écoute le texte? Écoutons le texte. Le voici, lu par Daniel Mesguich. Pamphile ne s'entretient pas avec les gens qu'il rencontre dans les salles ou dans les cours. Si l'on en croit sa gravité et l'élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les congédie. Il a des termes tout à la fois civils et hautains, une honnêteté impérieuse et qu'il emploie sans discernement. Il a une fausse grandeur qui l'abaisse et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis et qui ne veulent pas le mépriser. Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de vue, ne sort point de l'idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge, de sa dignité. Un Pamphile, en un mot, veut être grand. Il croit l'être. Il ne l'est pas. Il est d'après un grand. Tantôt, il vous quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un premier commis, et tantôt, s'il les trouve avec vous en conversation, il vous coupe et vous les enlève. Vous l'abordez une autre fois et il ne s'arrête pas. Il se fait suivre, vous parle si haut que c'est une scène pour ceux qui passent. Aussi, les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâtre, gens nourris dans le faux et qui ne haïssent rien tant que d'être naturels. On ne tarit point sur les Pamphiles. Ils sont bas et timides devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui n'ont que de la vertu, muets et embarrassés avec les savants, vifs, hardis et décisifs avec ceux qui ne savent rien. Ils n'ont point d'opinion qui soit à eux, qui leur soit propre. Ils en empruntent à mesure qu'ils en ont besoin. Et celui à qui ils ont recours n'est guère un homme sage ou habile ou vertueux. C'est un homme à la mode. France Culture. les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Et nous parlons des caractères de La Bruyère cette semaine et aujourd'hui de la vie de cour et des courtisans dépeints par La Bruyère dans ses caractères. Ces courtisans qui nous ressemblent beaucoup, nous autres habitants du 21e siècle qui ne vivons pas forcément dans une cour, quoique ces cours se reproduisent quel que soit l'endroit, semble-t-il, en compagnie de Delphine Amstutz. Alors, le portrait de Pamphile a quelque chose de passionnant, en fait. C'est parfait pour rentrer dans, et pour illustrer ce que vous avez dit et pour rentrer dans cette cour. Déjà, un point, vous avez remarqué qu'il s'agit d'abord de Pamphile qui devient un Pamphile, un type. Ça porte un nom, cette figure de style. Oui, ça porte un nom qui s'appelle l'antonomase. Alors, on peut même... Un Don Juan, par exemple. Voilà. Un Harpagon. Le XVIIe siècle a été fécond en antonomases qui sont aujourd'hui entrés dans le langage courant. Mais on peut même prolonger. Un Pamphile devient un Pamphile et devient les Pamphiles. Et il me semble que dans ce choix des noms, finalement, on observe vraiment le travail du moraliste à l'œuvre, littéralement, en train d'écrire dans son atelier. Alors... On le voit, il abstrait de la réalité observée un type qu'il classe et ensuite il peut le décliner, hein, nommer d'autres individus Pamphiles. Et puis on peut s'interroger sur ce choix du nom Pamphile. Oui. C'est un nom qui sonne étrangement désuet, c'est un nom tiré du grec visiblement. Alors peut-être hommage à Théophraste que La Bruyère imite. Donc même au XVIIe siècle, c'était un nom désuet. Oui. C'est un nom désuet. Alors, sauf peut-être dans des genres littéraires, mais en tout cas, je connais peu de Pamphile ayant hanté la cour de Louis XIV. On peut s'interroger sur le choix de ce nom. Pamphile, c'est en grec, sans être pédant, ce qui est le pire des travers de l'homme de cour, qui doit au contraire être naturel. Pamphile, c'est celui qui est l'ami de tous, celui qui est tout à tous, en quelque sorte. Et on sait que Pamphile... Par exemple, c'est un nom de femme chez Apulée et c'est la sorcière. Dans une satire du Moyen-Âge, Pamphile, c'est la prostituée. Donc vous voyez, c'est quand même un nom qui est peu honorable et qui d'emblée dénote l'intention satirique de La Bruyère. Et bien évidemment, la double dimension du caractère, c'est à la fois de tendre vers une forme d'abstraction, de taxinomie, de classification qui montre que les hommes sont d'une essence éternelle, mais également de pencher vers le particulier qui est rangé sous ces catégories générales, et on a assez rapidement, dès 1697, lu les caractères avec des clés, et Pamphile aurait été le marquis de Dangeau. Alors qui est le marquis de Dangeau ? Le marquis de Dangeau, alors c'est un personnage dont Saint-Simon dit le plus grand mal, il le caractérise de deux noms, l'adulation et la fadeur. On voit que ce ne sont guère des compliments. Je ne sais pas quel est le pire pour La Bruyère ou pour Saint-Simon. En tout cas, Saint-Simon a un rapport paradoxal, puisque Dangeau nous est d'une aide tout à fait précieuse pour connaître le XVIIe siècle. Il a laissé une gazette qui chronique ses mémoires, qui chronique vraiment jour après jour la vie quotidienne sous Louis XIV. Et on sait que les mémoires de Saint-Simon sont quand même écrits d'après les mémoires de Dangeau, qui lui servent de trame et puis d'aide-mémoire assez souvent. Et Dangeau devient académicien sans avoir jamais rien écrit. Donc on voit que pour La Bruyère, il incarne au paroxysme la déliaison entre la position sociale et le mérite individuel. Et on le voit dans ce texte, en fait, ce que La Bruyère observe avec un regard presque de naturaliste, c'est la confusion des ordres. Il est celui qui ne sait pas parler avec à propos. Il parle d'histoire avec les femmes, il parle de politique à un homme de robe. Enfin, c'est vraiment celui qui incarne le courtisan caméléon, le courtisan singe, l'homme à la mode, celui qui se pique de tout mais qui n'est finalement habile véritablement en rien. Et quel est le pire pour La Bruyère ? Qu'est-ce qu'il ne semble pas lui pardonner ? C'est de ne pas bien se comporter en société ? C'est de n'être pas moral ? Au fond, c'est le sens même du projet du moraliste que j'essaye de comprendre. Oui, alors il y a deux choses. Déjà, le courtisan est celui qui, par excellence, sort de son caractère. Pour La Bruyère, il y a un vice majeur qui est finalement un défaut de raison. C'est de sortir de son caractère. Quel que soit le caractère que la nature vous a attribué, finalement, bon. vous n'y pouvez pas grand-chose, mm-hmm. mais ensuite, il faut s'y tenir. Et le courtisan, à force de singer toutes les manies, tous les comportements, est celui qui, par excellence, est un être amphibie qui sort sans cesse de son caractère. Et également, le courtisan est celui qui introduit une confusion dans les rouages de la monarchie qui devrait fonctionner pour le mieux, pour maintenir une certaine forme d'équité entre les différents ordres sociaux et pour essayer de réguler certaines injustices sociales entre le peuple et les grands. Et les courtisans, au contraire, détournent les biens de la fortune, détournent la faveur royale et sont sans cesse un instrument de désordre dans la mécanique de la monarchie qui, par ailleurs, est ordonnée et régulée. Oui, donc il y a une dimension politique, on y reviendra, et puis on en parlera aussi assez longuement demain, sur la question des inégalités, justement. Mais sur la question, disons, plus morale, est-ce que le moraliste, c'est celui qui va dépeindre les mœurs, justement, de la société dans laquelle il vit? Est-ce qu'il est forcément critique? Est-ce qu'il condamne forcément l'époque dans laquelle il vit, voire même l'humanité en général? Dans le monde de la cour, alors là, il faudrait vraiment s'attacher aux métaphores, aux images, puisque ce qui caractérise sans doute le moraliste par rapport au philosophe, c'est que sa pensée est tout entière incarnée dans des images. Et les images que la Bruyère accole à la cour sont des images particulièrement fortes, puisqu'il emploie des termes qui sont toujours polysémiques. Par exemple, c'est son esprit burlesque qui ici s'exprime. Il joue sur le mot « cour ». La cour, c'est le lieu où tout le monde court, littéralement. C'est le lieu du mouvement perpétuel. Et donc, cette image se décline en d'autres, par exemple celle de la machine. Alors la machine, c'est à la fois la mécanique, les courtisans sont automates, ils ne pensent pas. N'oublions pas que la Bruyère est cartésien. Les courtisans, alors la Bruyère le dit, le sceau est automate. Ils incarnent une forme de sottise. D'où le fait qu'ils sont toujours décrits en des termes extrêmement matériels, comme s'ils étaient dépourvus de toute psychologie et de tout esprit. Et puis, la machine, c'est également l'intrigue. Et on retrouve ici aussi une image qui appartient à celle du théâtre du monde. La machine, c'est la machine qui permet de lever le décor au théâtre ou à l'opéra. Mais les courtisans sont également associés à l'image de la montre. Et là aussi, c'est un terme qui est intéressant, parce que la montre, c'est les rouages de la montre que l'on porte à notre poignet. Mais c'est aussi la montre, l'ostentation. On se souvient de ces mots de Saint-Simon qui disaient qu'avec une montre et un almanach, on était capable de savoir d'où qu'on soit dans le royaume de France ce que faisait Louis XIV exactement. Ouais. Donc c'est vraiment le symbole aussi de cette cour de Versailles extrêmement réglée à la minute près. Et puis, peut-être plus étrange, la Bruyère décrit la cour avec des images minérales, qui sont assez belles. Il parle du marbre et il dit que les courtisans sont aussi durs et aussi polis le marbre. Polis dans les deux sens, évidemment. Oui. Et qui montre bien d'ailleurs un désenchantement de la Bruyère à l'égard d'un certain idéal du courtisan qui avait été beaucoup travaillé au XVIe siècle en Italie. La cour était le lieu où on apprenait la politesse des mœurs. Et cette politesse des mœurs était en quelque sorte le symbole d'une vertu et d'un mérite individuel. La Bruyère entérine une déliaison entre l'univers courtisan et une certaine perfection culturelle, morale, individuelle. Et puis, il emploie également, c'est un caractère qui est assez souvent cité, il dit que si l'on cherche la profondeur, c'est une figure tout à plat en fait, un courtisan, si l'on cherche la profondeur d'un courtisan, il dit, ne grattons pas beaucoup, derrière la surface, on arrive rapidement au tuf. Et le tuf, c'est une pierre volcanique extrêmement friable, et là on voit vraiment le projet et la pudeur en quelque sorte de la Bruyère qui sait, lui, contrairement au courtisan, il connaît son mérite et il sait rester à sa place. Et il sait que sa place, ce n'est pas celle d'un prédicateur. Ce n'est pas un homme de chair, ce n'est pas un homme d'église. Et donc, dans cette image du courtisan qui n'est que sous un vernis du tuf, on a en fait la laïcisation d'une image chrétienne. C'est l'image de l'homme qui n'est que poussière ou qui n'est que cendre. Mais on voit que prudemment, la Bruyère s'abstient de ces mots qui sonneraient trop religieux ou qui aurait un écho trop spirituel de poussière et de cendre, et lui il se contente de l'image du tuf qui est une manière de laïciser une parabole, ce qui montre bien, pour revenir à votre question, que le but de la Bruyère c'est vraiment de faire une apologie rationnelle et chrétienne qui vise à démontrer que le courtisan est celui qui ne sait pas rester à sa place, celui dont la position sociale est déliée de tout métier, de tout mérite personnel, et quelqu'un qui incarne au paroxysme, qui est le symbole même de la vanité humaine, de son inconsistance, d'où toutes ces images de mécanique, de friabilité. Un homme comme moi ne peut demeurer qu'à la cour. Il n'est en considération, il n'est en état de pouvoir se venger de ses envieux, qu'autant qu'il se rend agréable au prince et qu'il cultive l'amitié de ceux qui gouvernent les affaires. J'aimerais mieux cultiver un bon champ. Cela rapporte toujours peu ou prou. Et je me doute que l'amitié de ces gens-là n'est pas aisée à avoir ni à garder. Vous avez raison, dans le fond. Ils ont quelquefois des caprices fâcheux, mais on oserait s'en ressentir. On les ménage. On est souple avec eux parce que c'est par leurs moyens que vous vous vengez des autres. Quel trafic! C'est justement recevoir des coups de bâton d'un côté pour avoir le privilège d'en donner d'un autre. Voilà une drôle de vanité. Vous parliez d'inconsistance, Delphine Amstutz, à l'instant. Ici, c'est d'inconstance qu'il est question. C'est un extrait de La double inconstance de Marivaux dans une retransmission radiophonique d'une représentation au Théâtre du Vieux Colombier en 1995. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Philippe Torreton dans le rôle d'Arlequin et de Michel Favori dans le rôle du Seigneur. Et ce dernier mot, donc on a ce portrait du courtisan qui parle de lui-même, de sa vie à la cour, qui présente sa condition supérieure à un homme du bas peuple. Et ce dernier mot, peut-être insistons là-dessus, celui de vanité. Difficile de ne pas penser à Pascal lorsqu'on parle de vanité. Et donc de Pascal jusqu'à Marivaux, il y aurait une espèce de sillage qui s'est creusé et auquel La Bruyère aurait contribué à donner ses lettres de noblesse. Oui, d'ailleurs, beaucoup de caractères de La Bruyère font écho à Pascal. Il réécrit la pensée de Pascal très célèbre sur le divertissement. Oui. Et un des caractères les plus célèbres, hein, c'est par exemple l'amateur de tulipes. Eh bien, c'est une réflexion presque pascalienne sur cet homme qui voit sa vie se réduire entièrement à la contemplation d'une tulipe. C'est en quelque sorte une image de l'amour de soi, de l'amour propre qui nous détourne, qui nous divertit, pour reprendre le mot de Pascal, de l'amour de Dieu qui seul devrait être l'objet de notre attention. Et dès que nous nous en détournons, nous plongeons dans la vanité que l'on a entendue dans l'extrait de Marivaux. Mais l'extrait de Marivaux est très beau parce qu'il fait voir dans La Bruyère quelque chose que l'on pourrait ne pas apercevoir. Tout le théâtre de Marivaux est fondé sur le fait que des couples de valets singent les intrigues amoureuses de couples de maîtres. Et ce parallèle constant entre les petits et les grands, c'est également quelque chose qui intéresse au plus haut point La Bruyère et qu'on retrouve dans le chapitre des grands, non seulement pour montrer que les petits s'échinent, s'acharnent à singer les grands, et pour montrer l'inanité de ces singeries sociales. Et au fond, de Pascal, La Bruyère, Marivaux, on peut aller jusqu'à Proust, auquel on pense souvent quand on lit les caractères de La Bruyère. Oui, oui, tout à fait. Alors là, on reviendrait sur peut-être quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Alors, à la fois l'analyse des mouvements les plus ténus de la conscience, du moi et de la psychologie, mais également le fait que cette analyse psychologique n'est jamais déliée d'une analyse sociologique extrêmement aiguë et extrêmement précise. Là, oui, effectivement, les liens sont très nets. Analyse sociologique, justement, c'est ce qu'on va entendre dans cet extrait tiré du chapitre des grands, justement. Comment est-ce qu'on distingue les grands des petits? Comment est-ce qu'on distingue la cour de la ville? Eh bien, peut-être que l'ensemble de ces distinctions se ressaisit sous un même nom, qui est celui, justement, de vanité. À la cour, à la ville, même passion, même faiblesse, même petitesse, même travers d'esprit, même brouillerie dans les familles et entre les proches, mêmes envies, mêmes antipathies. Partout, des brus et des belles-mères, des maris et des femmes, des divorces, des ruptures et de mauvais raccommodements. Partout, des humeurs, des colères, des partialités, des rapports, et ce qu'on appelle de mauvais discours. Avec de bons yeux, on voit sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis, comme transportée à Versailles ou à Fontainebleau. Ici, l'on croit se haïr avec plus de fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de dignité. On se nuit réciproquement avec plus d'habileté et de finesse. Les colères sont plus éloquentes et l'on se dit des injures plus poliment et en meilleurs termes. L'on n'y blesse point la pureté de la langue. L'on n'y offense que les hommes ou que leur réputation. Tous les dehors du vice y sont spécieux. Mais le fond, encore une fois, y est le même que dans les conditions les plus ravalées. Tout le bas, tout le faible et tout l'indigne s'y trouvent. Ces hommes si grands, ou par leur naissance, ou par leur faveur, ou par leur dignité, ces têtes si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple. Et ils sont le peuple. Et le coup est dur et rude qui est porté ici Delphine Amstutz, parce que finalement, dire que ces grands qui se définissent comme tels et qui méprisent le peuple sont le peuple, c'est faire s'effondrer comme un château de cartes tout ce qu'ils ont mis une vie à construire. Oui, même plus d'une vie, puisque les aristocrates fondent leur supériorité sociale sur une lignée, et souvent ils l'imaginent plongés, hantés dans un temps beaucoup plus ancien. Ils s'inventent des généalogies fictives qui, là aussi, font souvent le miel de la satire de la Bruyère. Oui, le coup est rude. On a pu parler parfois d'un style cruel de la Bruyère. On en a un exemple ici avec l'effet de chute. Tous méprisent le peuple et ils sont peuple. Mais assez difficile de savoir ce que la Bruyère veut dire, d'ailleurs, en employant ce mot peuple, puisque ici il semble l'utiliser avec un certain mépris pour rabaisser les grands avec un effet burlesque, mais c'est une citation célèbre de La Bruyère. À d'autres endroits, quelques pages en amont, il dit lui-même « je veux être peuple ». Ah oui. Donc c'est assez ambigu. Il me semble, puisque tout à l'heure vous parliez du lien entre La Bruyère et Pascal, il y a quelque chose à creuser. Tout d'abord, ce caractère est vraiment démarqué d'une pensée de Pascal, où Pascal s'interroge sur l'exemplarité des grands. Alors ici, on voit que les personnes de la ville dévoient en fait cette exemplarité. D'une exemplarité morale, il passe à une exemplarité sociale, à une forme de singerie, à un mimétisme qui fait que les gens de la ville singent, finalement, sans en avoir le fond, les manies, les manières des gens de la cour. Très bien, c'est un premier propos. Mais Pascal montre également que, les grands, certes, ils ont une forme d'exemplarité. Enfin, Pascal emploie cette image, il dit que les grands ont la tête dans les nuages, ils ont la tête élevée, mais enfin, comme tout le monde, ils ont les pieds sur le sol. Et ici, on a cette image aussi chez La Bruyère de nous rappeler que, finalement, nous sommes tous des créatures de Dieu et que nous sommes tous peuple en ce sens. C'est aussi un appel à l'humilité chrétienne. Ensuite, ce qui peut y avoir effectivement d'intéressant, c'est que, vous l'aurez sans doute remarqué, La Bruyère utilise très souvent des termes d'optique ou des termes géographiques, et sa figure préférée, c'est sans doute l'antithèse, ce sont les figures d'opposition. Et donc, il se plaît, c'est une expérience que l'on fait, nous lecteurs, à nous propulser, à nous faire changer incessamment de perspective. On envisage une réalité comme si on était un grand, et ensuite, il nous force à l'envisager comme si nous étions peuple. Et en fait, ce sont moins des catégories sociales, puisque ce sont aussi parfois des catégories intellectuelles. Être peuple, c'est être vulgaire et mépriser donc visiblement l'habileté, la vertu. Il nous force sans cesse à changer de perspective, tant au grand, tant au peuple, sur une même réalité, pour que finalement nous défassions des préjugés inhérents à notre pays, à notre temps, et que nous puissions envisager les phénomènes moraux sous l'angle de la raison dont il veut qu'elle soit universelle et intemporelle. Donc ce terme peuple, il est volontairement polysémique. La Bruyère en joue parce que pour lui, ce sont moins des catégories sociales fixes. Enfin, ça l'est, mais ça n'est pas que ça. Ce sont aussi des points de vue et nous devons adopter tantôt l'un tantôt l'autre, pour être capable de nous abstraire des contingences qui nous déterminent et pour essayer d'adopter un point de vue universel. Et là, en ce sens, La Bruyère est aussi très proche de Pascal dans ce jeu des points de vue, puisque Pascal cherchait, il le dit, un point indivisible à adopter sur la morale, c'est-à-dire un point de vue qui permettrait d'apprécier et d'apercevoir le plus justement possible les phénomènes moraux. Et il me semble que c'est aussi à ce type de jeu de perspective que nous convie La Bruyère pour essayer de saisir dans leur justesse et leur juste perspective les phénomènes moraux qu'il nous présente et qu'il nous décrit. Et son but est-il d'éduquer, de corriger ces vices moraux par la raison ? Ou est-ce que c'est simplement de faire le constat que finalement rien ne change, ni dans le temps, ni dans le monde, l'homme est de toute éternité médiocre ? Oh non, je pense que, on l'a dit parfois plaisamment, que La Bruyère a côtoyé ce qu'on pourrait appeler un think tank, par exemple, qui était réuni autour de Bossuet, de Fénelon, qu'on a appelé, qui s'appelait lui-même par plaisanterie le Petit Concile. Et ce groupe de réflexion bon, c'était vraiment des conseillers proches du pouvoir. Hein. Chacun avait sous sa direction un futur grand du royaume. Bossuet était le précepteur du grand dauphin, Fénelon du duc de Bourgogne. Donc on peut supposer que les principes d'éducation ne restaient pas lettre morte, qu'ils s'imprimaient vraiment dans la tête de futurs dirigeants du royaume. Et La Bruyère reprend ces principes de ce que l'on a appelé un certain catholicisme social, ouais. C'est-à-dire un catholicisme qui véritablement, dans la lignée du Concile de Trente, de François de Sales, de Saint Vincent de Paul, véritablement cette idée de s'engager pour transformer les structures sociales pour qu'elles incarnent le plus possible des principes de charité chrétienne. Donc il y avait vraiment une volonté, me semble-t-il, de réformer par la charité et par la raison, véritablement et autant que possible, en éduquant les grands, la société de son temps. Ensuite, à l'échelle individuelle, si l'on lit le chapitre de la cour, on peut le voir comme un chemin, en quelque sorte. Il est toujours intéressant de regarder quel est le premier caractère qui ouvre un livre et quel est celui qui le clôt. Le premier caractère du livre de la cour, comme toujours chez La Bruyère, c'est un caractère paradoxal, où il nous dit que finalement il n'y a rien de plus honorable que de ne pas savoir la cour. Et le dernier caractère... il nous invite en fait à quitter la cour. Donc, à l'échelle individuelle, ce qui est peut-être une ambition plus facile à accomplir que de réformer l'ensemble de la société, ce qui n'est peut-être pas directement dans les moyens de La Bruyère, et puis ce qui nécessiterait peut-être une plus longue durée, à l'échelle individuelle, très clairement, on a un appel de La Bruyère à la retraite. Il faut quitter le monde de la cour pour essayer de s'extraire de cette nasse de réputation et puis accomplir son devoir. Et d'ailleurs, c'est ce que La Bruyère fait finalement. On nous dit qu'à l'hôtel de Condé, il était quand même retiré et qu'il composait ses caractères en essayant de s'extraire de cette vie de cour et de ne pas participer à ce bal des vanités. On va y rester encore un peu quand même dans la cour, on a encore des choses à y apprendre. J'admets que vous escorter au château est un très beau coup. Que dites-vous ? Nombre de personnes ont hâte de vous rencontrer. Je ne suis personne. Qui peut s'intéresser à moi ? Madame, la réponse est évidente. Vous voyez les regards sur vous ? Ce que vous dites est faux, tout le monde est quelqu'un et vous êtes ici. Vous êtes donc une personne importante. De plus, vous avez de la conversation. Vous jouez avec les mots. Vous voyez, ces personnes montrent de l'intérêt à cause de mon hilarité. Mais la meute devra attendre. On m'a donné l'ordre de vous conduire à une personne en particulier. La marquise de Montespan. Grand Dieu, par quel stratagème j'ai dû passer, madame. J'ai dû horriblement mentir, soudoyer et duper du monde pour vous rencontrer. Combien pour le maître d'hôtel ? 5 louis d'or, est-ce trop dépensé ? L'argent est fait pour cela. Lauzin, je vous adore, très cher. Embrassez-moi et laissez-moi étudier ma dépense. On se verra tout à l'heure. Madame ? Bonne chance aux tables de jeu. Je me sens en veine. Mon cher ami est le plus divin des amants. Comment vous dire, madame, nous étions très liés avant que le roi me montre son intérêt. Pas de sang noble, alors ? Pas une goutte. Une parfaite roturière. Alors vous n'êtes ici que par vos mérites. Straton est né sous 2 étoiles. Malheureux, heureux, dans le même degré. Sa vie est un roman. Non, il lui manque le vraisemblable. Il n'a point eu d'aventure, il a eu de beaux songes, il en a eu de mauvais. Que dis-je, on ne rêve point comme il a vécu. Personne n'a tiré d'une destinée plus qu'il a fait. L'extrême et le médiocre lui sont connus. Il a brillé, il a souffert, il a mené une vie commune, rien ne lui est échappé. Il s'est fait valoir par des vertus qu'il assurait fort sérieusement qui étaient en lui. Il a dit de soi, j'ai de l'esprit, j'ai du courage. Et tous ont dit après lui, il a de l'esprit, il a du courage. Il a exercé dans l'une et l'autre fortune le génie du courtisan qui a dit de lui plus de bien peut-être et plus de mal qu'il n'y en avait. Le joli, l'aimable, le rare, le merveilleux, l'héroïque ont été employés à son éloge. Et tout le contraire a servi depuis pour le ravaler. Caractère équivoque, mêlé, enveloppé. Une énigme, une question presque indécise. « Delphine Amstutz, présentez-nous ce duc de Lauzun qui était présent tant dans l'extrait film que vous avez entendu, un extrait du Jardin du Roi, le film réalisé par Alain Rickman en 2014, où on l'entendait jouer avec les mots tromper, duper, etc., que dans le texte que nous venons d'entendre, donc une lecture d'un des caractères de La Bruyère par Daniel Mesguich, Straton, qui est en fait quoi, le surnom, l'autre nom de ce duc de Lauzun. Oui, les deux extraits sont très intéressants. Vous me permettrez de dire un mot sur le premier, de film, puisqu'on voit le duc de Lauzun à une table de jeu. Et je retiens cette indication, puisque La Bruyère lui-même fait du jeu l'image même de la cour. Il dit la cour est un jeu sérieux, mélancolique et qui applique. Et donc on a cette image d'une frivolité à laquelle on s'applique effectivement avec constance. Et il me semble que le film rendait compte de cette image que La Bruyère accole à la vie de cour. Alors le duc de Lauzun, qu'en dire? Sa vie est un roman, c'est ce que nous avons compris. Alors le duc de Lauzun, Saint-Simon, qui était son beau-frère, en parle énormément, donc on peut reprendre des éléments qu'il nous donne. Le duc de Lauzun n'est pas qu'un courtisan, c'est un courtisan superlatif, en quelque sorte c'est un favori. Et il y en a d'autres dans les caractères, notamment il y a le personnage de Xantippe, dont La Bruyère nous dit « il a été plus loin que son songe, il est favori ». Donc le favori, c'est en quelque sorte quelqu'un qui vit comme un roman, qui vit comme un rêve, ce qui est à la fois une image laudative, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte une star de la cour, la coqueluche de la cour, et en même temps c'est quelqu'un dont la carrière a toute l'inconsistance du rêve, du songe ou du roman. Alors le duc de Lauzun, que sait-on de lui? C'est un personnage qui est issu d'une noblesse pas la plus éclatante, disons, il ne fait pas partie des grands du royaume, mais il devient très rapidement le favori de Louis XIV, et il le devient par une stratégie paradoxale. On peut penser qu'on parvient à la cour à force de flatterie et de complaisance. Eh bien, le duc de Lauzun avait choisi la stratégie inverse. Il avait choisi l'insolence, l'effronterie, Saint-Simon a ce mot, la hardiesse hasardeuse, quelqu'un qui tente des coups. Quelqu'un qui flirte avec le hasard, en fait, pour parvenir. Et le duc de Lauzun est célèbre notamment pour avoir su arracher du roi la promesse d'épouser la grande mademoiselle, qui était la fille de Gaston d'Orléans, Gaston d'Orléans étant le frère de Louis XIII, c'est-à-dire Lauzun devait épouser la cousine même de Louis XIV. Alors finalement, ce mariage annoncé, semble-t-il promis, a été rompu, mais c'est dire la consécration à laquelle était parvenu Lauzun, et ce qui intéresse La Bruyère, ce qui fait de la vie du duc de Lauzun un symbole des vanités curiales, c'est que le fait de la gloire atteint par Lauzun, finalement, la roche tarpéienne a été proche du Capitole, si l'on peut dire, puisque Lauzun a été également enfermé à la Bastille pendant une assez brève période, mais plus longtemps, il a été enfermé dans la citadelle de Pignerol, où il a eu pour auguste voisin Nicolas Fouquet, un autre disgracié de la cour de Louis XIV, et le supposé masque de fer. Mmh. Donc c'est vraiment grandeur et misère de la vie curiale incarnée dans ce personnage de Lauzun. Grandeur et misère, oui, les deux, parce que le texte qu'on a entendu se termine avec cette phrase assez surprenante. Caractère équivoque, mêlé, enveloppé, une énigme, une question presque indécise. Alors au-delà du style qui est vraiment délicieux ici, c'est comme un poème, hein, il met des mots comme un haïku quasiment pour décrire ce personnage. Mais en même temps, il y a quand même ce terme d'énigme et d'indécision, comme s'il ne pouvait pas trancher en ce qui concerne ce personnage. Oui. C'est ce que l'on a un petit peu effleuré tout à l'heure. C'est-à-dire que le courtisan suscite la haine, l'ire de La Bruyère, mais en même temps, il attise sa fascination. Mm-hmm. Parce que c'est un personnage équivoque, c'est un personnage qu'on peine à interpréter, c'est un personnage qui nous irrite, mais en même temps qui symbolise véritablement le fond de la condition humaine, et Lauzun en est sans doute l'incarnation. Et puis, dans cet esprit d'énigme, finalement, c'est comme si La Bruyère s'amusait à reprendre aux courtisans leurs armes. On sait que dans la vie des salons, dans la vie courtisane, l'énigme était un genre extrêmement pratiqué. Et donc ici, La Bruyère se plaît à lire le caractère de Lauzun selon le prisme énigmatique qui était une tournure d'esprit des honnêtes gens, des personnes qui fréquentaient les salons et également des courtisans. Mais en effet, le courtisan reste une question qui est posée non pas seulement au petit cénacle curieux, mais à l'humanité tout entière, puisqu'elle l'interroge profondément sur les ressorts les plus cachés de l'humanité. C'est ça, donc ça veut dire qu'au-delà de la dimension historique et sociologique en ce qui concerne le portrait fait des courtisans, la question qui se pose, et celle que j'ai posée dès le début de l'émission, sommes-nous tous des courtisans pour oui. La Bruyère? Oui, sans doute, nous avons tous une pente au courtisanisme, et ce qui me semble peut-être une troisième façon de lire les caractères. On les a lus sous l'angle de la curiosité historique, et en effet, il nous parle de courtisans qui sont connus, dont on lit les aventures par ailleurs, une société que lui-même a connue. On les a lus sous un angle psychologique, les courtisans sont des fous furieux, ils parlent de manie, ils parlent d'aliénation. Les courtisans sont le lieu d'observation de traits de comportements que l'on peut aborder d'un œil sociologique, on l'a vu également, mais il me semble, essayons de nous replacer dans la position d'un lecteur du temps qui découvre un livre qui s'intitule « De la cour ». En fait, c'est toute une tradition qui s'ouvre à lui. La Bruyère n'a pas été le premier à écrire des ouvrages ou des chapitres d'ouvrages qui s'intitulent « De la cour ». Et quelques années avant lui, un père jésuite qui s'appelle Nicolas Cossin, qui était le confesseur de Louis XIII, écrit un ouvrage qui s'intitule « La cour sainte ». Et « La cour sainte », alors, pour les hommes du temps, ça devait sonner comme un oxymore, comme une contradiction dans les termes. La cour ne pouvait pas être sainte. Mais en tout cas, Nicolas Cossin étant un jésuite, il pratique ce que l'on appelle la composition de lieu. C'est-à-dire qu'en fait, la cour, ce n'est pas un objet extérieur au livre de la Bruyère. Le chapitre de la cour est une cour. La cour que nous décrit la Bruyère, ce sont les pages du livre. Et nous, lecteurs, nous avons à méditer sur ce lieu, véritablement, pour, peut-être pas nous mortifier, mais en tout cas pour extirper en nous la racine du courtisanisme, et pour devenir peut-être plus raisonnable, plus vertueux, un homme plus vrai, puisque là aussi c'est une des choses intéressantes chez La Bruyère. On a vu tout à l'heure que La Bruyère ne cherchait plus dans la cour le lieu d'un accomplissement personnel, alors que avant lui, notamment dans la tradition italienne ou dans la tradition espagnole, le lieu était vraiment le lieu où on s'accomplissait individuellement. La cour est un lieu de culture, la cour est un lieu où on se perfectionne par la conversation, en côtoyant les grands dans ses mœurs, dans sa manière d'être, et la Bruyère entérine la déliaison complète entre l'accomplissement individuel et la vie de cour, et donc la Bruyère oppose l'honnête homme à ce qu'il appelle l'homme vrai. Donc, contempler, lire, expérimenter en lisant ce que sont les courtisans, c'est aussi une manière de mutiler en soi tout le courtisan qui sommeille en quelque sorte. Oui, donc le moraliste nous fait la morale quand même. Oui. On a tendance à distinguer les deux, dire que le moraliste, il n'y a pas de jugement moral, c'est un portrait moral au sens des mœurs des individus, mais au fond, il y a quand même une morale sous-jacente assez dure. Il faut être honnête, il faut être vertueux, il faut être fidèle sans caractère, il faut. C'est peut-être là où la Bruyère est proche, et d'ailleurs il en fait l'éloge dans son texte, de Socrate et de Descartes, c'est que pour lui, être honnête, c'est être raisonnable. Et la raison, c'est un principe, il reprend les mots de Descartes, juger à partir de principes clairs et distincts. Là, est-ce que c'est un précepte ou est-ce que c'est simplement une manière de penser qu'il nous inculque, qui ne serait pas dépendante de contenu dogmatique qu'il nous imposerait ? Je pense que c'est plutôt un cheminement rationnel qu'il essaye, et d'ailleurs chaque livre est un chemin, chaque livre est un parcours qu'il essaye de nous enseigner, et non pas nécessairement un bourrage de crâne où il n'essaye pas nécessairement de nous inculquer des principes dogmatiques. Non, mais alors le problème se pose, comme pour Pascal d'ailleurs, de la manière dont vont s'articuler d'un côté son rationalisme et de l'autre la dimension apologétique, sa foi. Parce que si on parle d'un point de vue chrétien, catholique, on n'est pas dans le domaine du rationnel. Oui, mais c'est la grande différence, me semble-t-il, entre La Bruyère et Pascal. Il y a un mysticisme chez Pascal, très net. Il y a un moment, l'ordre de la rationalité, l'ordre de l'esprit s'arrête. Et puis commence l'ordre du cœur. Ouais. L'ordre du cœur, où le cœur est accessible à la foi par une forme d'intuition qui échappe à la raison. Il y a un saut, en tout cas. Oui. Voilà, il y a un saut. Et bien, ce saut, il n'existe pas chez La Bruyère. La Bruyère est quelqu'un qui pense que le philosophe doit être un philosophe chrétien. Et on est dans une lignée qui est plutôt celle d'Érasme. Étonnamment, Patrick d'André avait beaucoup assimiler les caractères au précis de décomposition de Suran, alors tout de suite on a l'impression qu'on s'achemine dans les abîmes ou dans les précipices du pessimisme. Et il me semble que chez La Bruyère, à l'inverse, on pourrait parler d'une forme d'optimisme. L'optimisme qui est que si nous sommes rationnels, eh bien naturellement, nous allons être acheminés vers le bien. Et il n'est pas sûr que Pascal le pense, mais en tout cas, il y a une forme, oui, d'optimisme érasmien qui domine dans les caractères et qui doit peut-être leur ôter une partie de leur austérité ou de leur sévérité. Donc on peut tout à fait lire les caractères sans prendre en compte la dimension religieuse. En tout cas, la dimension religieuse, enfin, les 10 premiers livres, on peut les lire comme... On n'y pense pas, je vais vous dire, en lisant, on ne se dit pas... Non, après, disons que les derniers livres ont une dimension apologétique beaucoup plus forte, de la chair et des esprits forts. Là, il y a vraiment un combat contre les dérives du libertinage. Mais ce qui importe, c'est vraiment cette liaison, ce qu'on a pu appeler l'intellectualisme de La Bruyère, cette liaison extrêmement forte entre la vertu et l'intelligence. Merci beaucoup. On se quittera sur ces deux termes, la vertu et l'intelligence. Merci Delphine Amstutz d'être venue nous parler de La Bruyère ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en littérature française du XVIIe siècle à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. On mettra en ligne votre bibliographie sur le site des Chemins de la Philosophie. Lisez les caractères de La Bruyère, chers auditeurs, notamment dans l'édition Livre de Poche. Vous aurez une édition critique, une présentation et puis ce texte que vous pourrez, vous pourrez le grappiller à l'envie, aller vers les caractères qui vous parlent le plus. Notre série continue demain, évidemment, avec Pierre Ronzeau. On parlera de luxe calme et inégalité. Et on se quitte comme tous les jours en chanson. Celui qui sente la mondanité et la cour des grands, c'est Charles Trenet. J'ai des relations mondaines, j'ai des relations. Je connais la baronne du Maine, son fils Absalon. Je vais les voir chez eux une fois par semaine dans leur vieux salon, où tout un gratin se démène, se promène en large et en long. J'y côtoie des gens illustres, membres de l'Institut. Rassemblés autour d'un lustre, ils me disent « tu ». Par un jeu savant de miroirs et de glace dans leurs beaux atouts, on les voit de profil, de dos et de face, croquant des petits fous. Vous connaissez tous Pilâtre, l'acteur du français. Il m'a dit hier soir « le théâtre, moi, je l'ai assez ». Une affaire de poux, paix en plastique, m'appelle à Pamiers. À savoir cette noue, belle fantastique, vous êtes le premier. Grâce aux relations mondaines, grâce aux relations, je donne des lettres par centaines de recommandations. Ainsi ma filleule du Finistère, la petite Fanny, travaille à présent au ministère des travaux finis. J'ai vu mon cousin Rodolphe, placier de cinéma, et mon oncle Paul Adolphe, huissier au Sénat. Quant à moi, je vis bien et m'en contente, tel est mon destin. Dans une chambrette, sous la soupente, 11 rue Comartin. Là, mes relations mondaines ne m'empêchent pas de rencontrer 8 fois par semaine la petite Ida, qui ne demande rien à l'existence, rien qu'un peu de bonheur. Ça suffit pour que nos deux cœurs, je pense, ne forment qu'un cœur. Loin des relations mondaines, loin des relations, nous allons au bord de la Seine à la belle saison. Quand arrive l'hiver et sa froidure, au lit nous restons. Et c'est bien ce qu'il y a de meilleur, je vous le jure, dans mes relations. Les relations mondaines de Charles Trenet sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps comme tous les jours de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est très enrichissant. On demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce qu'un peintre ? Bah, c'est un métier qui pèse encore dans nos sociétés où la notion de métier s'estompe un peu, un poids particulier. Pourtant, le peintre, depuis longtemps, n'est plus l'unique fabricant d'images. Quand Bruegel peint sa tour de Babel, il n'en existe aucune. La forme qu'il invente, ce coquillage mental, devient instantanément décisive. Mais cela fait longtemps que les peintres sont privés de ce genre de gestes inauguraux. Sans doute ont-ils tenté d'en inventer d'autres. Rembrandt a peint une carcasse, Monet la fumée d'un train, Lucien Freud un évier ou la vue dépareillée d'une arrière-cour, sorte de réponse au vil idéal de la Renaissance. Le choix du sujet, cependant, a connu au XXe siècle un long déclin. Le marchand d'images est devenu surtout un marchand de boue, des désespérantes traces de pneus de soulage aux objets chus dans les sérigraphies du pop art. La boue des images, plutôt que les images, encore, le peintre, insensiblement, était devenu un critique plutôt qu'un fabricant d'images. Et on s'est mis, dans les sièges sociaux des banques comme au mur des cabinets de psychanalyse, à accrocher les tableaux au mur seulement pour montrer qu'on n'était plus dupe de la tyrannie des images. Alors le peintre idéal, à défaut d'être abstrait, devait au minimum peindre assez mal. Plus on voyait la boue, moins on voyait l'image, meilleur il était. Idéalement, la boue devait même un peu rejaillir sur lui, dans un monde de plus en plus aseptisé, un monde qui ressemblait de plus en plus à une image. Le peintre devait demeurer une figure archaïque, de l'ogre Picasso à l'ours Bacon, dont l'atelier Tanière, reconstitué par des archéologues, a fini par être exposé à côté de ses toiles. Le peintre avait fini par essentiellement se représenter lui-même. Et donc le peintre serait devenu sa propre caricature, son propre autoportrait. Alors il y a deux théories, oui, sur l'autoportrait. Ce serait à la fois le démonstrateur portatif des capacités techniques du peintre et l'indice, comme chez Rembrandt ou Van Gogh, d'une crise existentielle. Les deux théories, aujourd'hui, sont également valables. On vit l'âge d'or du peintre en tant qu'autoportrait, car les peintres dont nous voulons sont essentiellement des caricatures de peintres, et en même temps, leur capacité technique, affaiblie par un siècle qui vit le triomphe général de la technique partout, sauf en peinture, sont au plus bas. La crise existentielle couve. Et donc vous pensez que le métier de peintre serait condamné ? Heureusement non, car il existe une autre histoire de la peinture au XXe siècle, moins triomphale mais moins destructrice aussi. J'en ai eu la confirmation récemment en allant voir rue des Beaux-Arts la très belle exposition consacrée à un peintre suisse oublié, Jürg Krajenbühl. Presque un peintre de genre qui a eu le malheur ou le génie de peindre pendant la seconde partie du XXe siècle et qui non seulement était techniquement redoutable mais possédait aussi un génie du sujet. Ses tableaux les plus marquants racontent ainsi l'édification de la défense vue des bidonvilles environnants. Ses intérieurs, beaux comme des intérieurs hollandais, sont ceux des travailleurs algériens de la zone. Sa France, c'est celle du paquebot éponyme échoué devant les raffineries du Havre. Ses nymphéas, ce sont des galettes d'hydrocarbures en suspension. Ses natures mortes, ce sont des boîtes empilées de cassoulet William Sorin et le génie sans frotter. Et quand on l'aperçoit soudain dans le reflet d'une télé, on se dit que c'est ça, un vrai peintre. Alors je vous repose la question, votre question du jour, qu'est-ce que c'est un peintre ? C'est peut-être une figure de l'immobilité dans un monde qui change. Ce n'est plus les choses qui posent pour lui, c'est lui qui tente, parce que sa technique tout simplement l'exige, de poser devant elle. Et qu'on mette un bidonville devant une usine ou des tours devant un cimetière, c'est lui qui tient, dans sa main de plus en plus assurée, moins son pinceau que le seul balancier du temps, la mesure de la permanence et de l'impermanence des choses. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Baptiste Botella en compagnie de Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions sur les caractères de la Bruyère. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Jacques Azubert. À la lecture des textes, Daniel Mesguich. On se retrouve demain pour la suite de cette série. Demain, on sera en compagnie de Pierre Ronzeau et on se demandera quelle est la dimension politique des caractères de la Bruyère, quelle place tient le souverain, bien sûr, tout en haut de l'échelle. Et donc, on décrira ce luxe, ce calme et cette inégalité qui sont présents dans ce texte de la Bruyère que vous pouvez continuer à lire jusqu'à demain. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous l'écoutez où vous voulez et quand vous voulez. Et c'est vrai pour toutes les émissions de France Culture mais aussi du groupe Radio France. On se retrouve également en ligne, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.